إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأولا يسعدني ويشرفني أن ألتقي بإخواني من مدينة ألون ونسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجعلنا في أعلى العليين في جنات النعيم. Donc tout d'abord, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous, les musulmans de la ville d'Alon. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous a réunis dans cet endroit béni, qu'il nous réunisse tous dans les hauts degrés du paradis. Qulu amin. Amanakum la turidun? Vous ne voulez pas qu'on se retrouve tous au paradis? Qulu amin. Wa mawdu' al-kalima hawla tarbiyat al-awlad. Wa huwa min al-mawadi' التي هي مهمة في غاية الأهمية وكلنا أبناء أو آباء أو بنات أو أمهات ويجب أن يعرف المسلم كيف يربي أولاده التربية الصحيحة التربية الإسلامية الموافقة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمسلم له اهتمام بأولاده وهذا اقتداء بأنبياء الله ورسله فكانوا يهتمون بأولادهم وكانوا يهتمون بذرياتهم فهذا نوح عليه السلام قص الله عز وجل علينا قصة نوح مع ابنه في سورة هود قال الله تعالى يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ثم قال الله تعالى ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين. L'éducation des enfants est un sujet extrêmement important qui concerne chacun d'entre nous. Car soit nous sommes des enfants, soit nous sommes des parents, et nous sommes tous, inshallah ta'ala, pour ceux qui ne le sont pas, de futurs parents. Ainsi, comment éduquer ses enfants est un sujet qui concerne chacun d'entre nous. Et il se doit pour chacun d'entre nous de savoir comment éduquer ses enfants, comment donner et offrir à nos enfants une éducation islamique. Car nul doute que la meilleure éducation que tu puisses offrir à ta fille ou que tu puisses offrir à ton fils, c'est l'éducation islamique, basée sur le livre d'Allah et sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Car l'islam est la religion légiférée par Allah azza wa jal. Celui qui connaît le mieux azza wa jal ses créatures, ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir, ne sait-il pas ce qu'il a créé alors que c'est le doux et le parfaitement connaisseur. Allah azza wa jal est celui qui connaît le mieux les créatures. Et lorsqu'il a légiféré l'islam subhanahu wa ta'ala, il a donc légiféré ce qu'il y avait de mieux pour l'humanité. Et le musulman doit donner de l'importance à ses enfants. Et ceci est l'exemple des prophètes et envoyés d'Allah. Nuh alayhi salam donnait de l'importance à l'éducation de son enfant. Ceci même s'il n'avait pas cru en son message. Ainsi, les parents donnent de l'importance à leurs enfants et à leur éducation, même si leurs enfants ne sont pas de la même religion qu'eux. Allah Azza wa Jalla nous dit, en sourate Hud, lorsqu'il nous cite l'histoire de Nuh alayhi salam et de son fils, Allah Azza wa Jalla dit, en parlant de Nuh, qu'il a dit à son fils, « Ô mon fils, monte avec nous, c'est-à-dire dans l'arche, et ne fais pas partie des mécréants, de ceux qui n'ont pas cru en moi. » Il a répondu son fils, « Je vais me réfugier au-dessus d'une montagne qui me préservera de l'eau. » De l'eau, car vous savez que le peuple de Nuh, alayhi salam, a été anéanti par un déluge qui a englouti l'ensemble de la terre. Et Nuh alayhi salam lui a dit, La ansima al-yawma min amrillah, point de protecteur aujourd'hui contre le commandement d'Allah. Quel que soit l'endroit que tu prendras comme refuge, il n'échappera pas au commandement d'Allah. Sauf ce qu'Allah azza wa jalla a fait entrer dans sa miséricorde. Et Allah Azza wa Jal dit en terminant ce verset, وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. Et d'énormes vagues se sont interposées entre deux, entre Nuh alayhi salam et son fils, فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ, et il a fait partie des noyés. Nuh alayhi salam s'est adressé à son fils, en espérant qu'il croie en lui et qu'il le rejoigne et qu'il soit sauvé, malgré qu'il ne croyait pas en son message. Et Nuh alayhi salam, dans l'autre verset de Sourate Hud, verset 45 à 47, où Nuh alayhi salam s'est adressé à Allah azza wa jal et a dit, « Ô Seigneur, mon fils fait partie de ma famille. Wa inna wa'daka al-haq, et ta promesse est vérité. » La promesse est vérité, la promesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait à Nuh alayhi salam de le préserver, lui et sa famille. Mais Allah azza wa jal a fait une exception, sauf ceux contre qui le décret est déjà prononcé. Et Nuh alayhi salam, avant que le déluge ne se déverse sur la terre, c'est rappeler cette promesse d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'Allah Azza wa Jal a dit, حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور وقلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. Et Allah Azza wa Jal lui a répondu en disant qu'il ne fait pas partie de ta famille, que ce n'est pas une bonne chose qu'il a fait, c'est-à-dire de ne pas croire au message avec lequel est venu son père, et Allah Azza wa Jalla dit, je t'exhorte, Nuh, afin que tu ne fasses pas partie des ignorants ou du nombre des perdants. Et Nuh alayhi salam a demandé la protection d'Allah Azza wa Jalla de dire une chose qu'il ne sait pas. Et si tu ne me pardonnes pas, et si tu ne me fais pas entrer dans ta miséricorde, je ferai alors partie des perdants. Et ainsi étaient les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils donnaient de l'importance à leur famille et à leurs enfants. Ibrahim alayhi salam, lorsqu'Allah azza wa jalla lui a donné les commandements qu'il a mis en pratique, Allah azza wa jalla a dit « Wa idhi btala Ibrahim rabbu bi kalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama » قال ومن ذريتي. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla a annoncé la bonne nouvelle à Ibrahim alayhi salam, qu'il allait faire de lui un guide des gens, un exemple à suivre des gens, qu'est-ce que Ibrahim alayhi salam a répondu? Et parmi ma descendance, قال ومن ذريتي, c'est-à-dire et mes enfants aussi et ma descendance aussi feront partie d'exemples qui seront suivis par les gens. Donc Allah Azza wa Jalla lui annonce cette bonne nouvelle et Ibrahim alayhi salam dans la foulée espère et veut que sa progéniture, ses enfants bénéficient du même privilège. Un autre verset qui prouve cela, les versets 35 et 36 de sourate Ibrahim. Où Allah Azza wa Jalla dit: "Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha al-balada amina wajnubni wa baniya an na'buda al-asnam rabbi innahunna adlalna katiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim." Et lorsque Ibrahim alayhi salam a dit: "Ô Seigneur, fais de cette ville une ville en sécurité et préserve-moi et mes enfants de l'adoration des tombes, de l'adoration des idoles. Et préserve-moi et mes enfants." Ibrahim alayhi salam a également dit, comme Allah azza wa jalla nous le cite dans le 47e verset de sourate Ibrahim, رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Ô Allah, fais que je fasse partie de ceux qui accomplissent la prière et fais en sorte que ma progéniture également en fasse partie. Ô Allah, exauce l'invocation. Ibrahim alayhi salam a également invoqué Allah Azza wa Jalla en disant, dans les versets 100 et 101 de sourate As-Saffat, Rabbi habli min as-salihin, fabasharnahu bi ghulamin halim. Ô Seigneur, accorde-moi un enfant, ou fais-moi don d'un enfant parmi les vertueux. Fais-moi don d'un enfant parmi les vertueux. Et ainsi de suite. Le prophète est envoyé d'Allah, alayhim as-salam, donner énormément d'importance au devenir de leurs enfants, voire de leur progéniture. Ismaïl alayhi salam, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le cite dans sourate Maryam, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلِ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. Et cite dans le livre Ismaïl qui tenait ses promesses, qui était véridique dans ses promesses, et c'était un prophète et un envoyé. Et il ordonnait à sa famille d'accomplir la prière et de s'acquitter de la zakat, et il était agréé auprès de son Seigneur. Zakaria alayhi salam a dit, هُنَالِكَ دَعَى زَكَرِيَا رَبَّهُ قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Et c'est alors que Zacharie a invoqué son Seigneur en disant: Ô Seigneur, fais-moi don de ta part d'une bonne progéniture, car tu es celui qui exauce les invocations. Et Allah Azza wa Jalla a ordonné à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa umur ahlaka bis salat wa astabir alayha, et ordonne à ta famille d'accomplir la prière et redouble de patience dans ceci. Et Allah Azza wa Jalla dit, ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa qudaha an-nas wal hijara alayha malaikatun ghiladun وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Et Allah Azza wa Jalla dit, ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles. Et bien sûr, dans les familles, il y a les enfants. Préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sont les gens et les pierres. Il y a, c'est-à-dire en enfer, des anges qui sont énormes et durs, ils ne désobéissent jamais à Allah Azza wa Jal dans ce qu'il leur ordonne de faire et se plient aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. بعد أن رأينا الاهتمام الذي ينبغي للمسلم أن يكون عليه تجاه أولاده، لنتطرق إلى صميم الموضوع وهو كيف نربي أولادنا. التربية، تربية الأولاد تبدأ قبل خلقتهم، تربية الولد تبدأ عند اختيار الزوجة، فأن تختار الزوجة الصالحة، الزوجة المؤمنة، الزوجة التقية التي تخاف من الله سبحانه وتعالى وتتمثل بأوامره وتجتنب نواهيه، فمن هنا بدأت بتربية أولادك. Après avoir vu l'importance que l'on doit accorder à nos enfants et à leur éducation, et que nous suivons dans cela les prophètes et envoyés d'Allah, alayhi wassalam, nous rentrons dans le vif du sujet, à savoir comment éduquer nos enfants. L'éducation des enfants commence avant même que ceux-ci n'aient été créés. L'éducation des enfants commence par le choix de ton épouse. De choisir une épouse vertueuse, de choisir une épouse croyante, de choisir une épouse pieuse, une épouse qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, une épouse qui se conforme aux obligations d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui s'éloigne de ce sur quoi Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont mis en garde. والله تعالى يقول والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظة ورزقكم من الطيبات. الله عز وجل dit, et Allah a fait de vous des maris. Et il a fait de vos femmes des enfants et des petits-enfants. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a donné la directive à suivre pour choisir sa femme. Il a dit alayhi salatu wassalam dans le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu rapporté par Al-Bukhari et Muslim, que la femme, on se marie avec elle pour quatre choses. Pour son argent, pour sa lignée, pour sa beauté et pour sa religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Fadfar bidati d-din » et accroche-toi et recherche celle qui détient la religion. Le musulman donc, qui choisit une femme pour se marier avec elle, il ne doit pas mettre en avant uniquement la beauté de celle-ci. Car une femme belle peut être pour toi un calvaire. Elle peut te faire vivre un calvaire que tu n'auras jamais connu auparavant. La beauté en elle-même ne suffit pas. Et une femme avec qui tu as une vie d'enfer, eh bien cela ne pourra avoir que des répercussions néfastes sur l'éducation de tes enfants. Et au contraire, et ou à l'inverse, la femme vertueuse, la femme pieuse, avec qui tu t'entraides dans le bien, et avec qui tu t'entraides dans le délaissement du mal, eh bien, cette femme pieuse fera en sorte d'éduquer tes enfants et de t'accorder et de t'offrir une progéniture vertueuse. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a dirigé à cela lorsqu'il nous a informé, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, que la femme vertueuse est le bien le plus précieux dans cette terre. Il a dit, alayhi salatu wassalam, dans le hadith d'Abdullah ibn Amr al-As, radiyallahu ta'ala anhu, hadith rapporté par Muslim dans son sahih, الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. Cette vie d'ici-bas n'est que marchandise, ce ne sont que des biens, des objets. Et la meilleure de ces choses, ou la meilleure des objets de cette vie d'ici-bas, c'est la femme vertueuse. C'est la femme vertueuse. Car elle accorde à son mari une vie heureuse et elle offre à ses enfants une éducation religieuse comme il se doit. Et sache également, lorsque tu choisis une femme, que c'est la femme avec qui tu vas partager chaque instant de ta vie, et c'est la femme qui va diriger ta maison lorsque tu ne seras pas là. Car en islam, c'est l'homme qui travaille. La femme ne travaille pas. Allah Azza wa Jal et le prophète alayhi salatu wassalam ont ordonné à l'homme de subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants. Une femme n'a pas à travailler, sauf dans des cas précis, dans des cas de force majeure, où elle se retrouve seule et qu'elle doit nourrir ses enfants. Mais une femme mariée, elle n'a pas besoin de travailler. Qu'est-ce qu'elle va faire en travaillant? Elle va se mélanger avec les hommes. On va lui demander d'enlever son voile. Elle ne pourra pas faire ses prières à l'heure. Elle va devoir trouver une nourrice pour garder ses enfants. Elle va avoir le stress que connaissent les femmes de cette société, qu'il faut qu'elles sortent au plus vite du travail pour aller récupérer leurs enfants à la crèche ou pour aller le récupérer chez la nourrice et de rentrer précipitamment, de sortir le plat congelé d'il y a 15 jours et leur donner à manger rapidement, les faire dormir pour se poser devant la télévision. C'est ça une vie heureuse? Ce n'est pas une vie ça. Une musulmane ne conçoit pas la vie de cette façon. Nous avons été créés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Nous n'avons pas été créés pour courir derrière cette vie d'ici-bas. Une femme a une responsabilité qui est d'éduquer ses enfants. Ainsi, tous les conseils qui vont être donnés, bien sûr, sont donnés au père comme aux mères, mais la mère est la plus concernée, car c'est elle qui passe le plus de temps avec ses enfants. Le mari travaille, subvient à ses besoins, aide sa femme dans l'éducation de ses enfants, mais la tâche principale est donnée à la mère. Et ce n'est pas une tâche simple, et ce n'est pas une tâche qui n'a pas de responsabilité, au contraire. La responsabilité de la femme est énorme. De lui donner la responsabilité d'éduquer les enfants, de faire de ses enfants des musulmans pieux, vertueux. Et combien de grands savants de notre époque, des imams dans la religion, sont devenus imams grâce à l'éducation de leur mère. Grâce à l'éducation de leur mère. Beaucoup de savants contemporains et anciens, vous verrez dans leur biographie que beaucoup, pas tous, mais beaucoup, étaient orphelins dès leur plus jeune âge. Et ils n'avaient que leur mère. Et c'est leur mère qui leur a donné cette éducation religieuse. C'est leur mère qui les a encouragés à apprendre la religion. Et au final, eh bien, ce sont devenus des imams dans la religion, des savants vers lesquels retournent les musulmans en cas de problème, des savants vers lesquels les musulmans retournent pour poser leurs questions et pour soumettre leurs problèmes. Donc la responsabilité de la femme est extrêmement importante. Et la femme musulmane ne doit pas suivre ce fléau des femmes qui sortent pour aller travailler alors qu'elles sont mariées, qu'elles ont un mari. Et les ambiguïtés fusent dans ce domaine. Certains vont dire, mais non, un salaire ça ne suffit plus. Qui t'a dit, subhanallah, qu'un salaire ne suffit pas? Nous, on n'a pas grandi dans des familles nombreuses. On n'était pas 8, 10 enfants dans un F4 ou dans un F3 pendant 20 ans. Et il n'y a que le père qui travaillait. Et alhamdoulilah, on n'est pas mort. On a jamais manqué d'argent, on n'a jamais manqué de nourriture, on n'est jamais sorti nu, on n'est jamais sorti avec des vêtements déchirés ou autres. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne la pourvoyance. Wa fis sama'i rizqukum. Et votre pourvoyance est dans les cieux. Un musulman n'est pas matérialiste au point de faire sortir sa femme pour aller travailler et rapporter 1000 euros de plus par mois. Qu'est-ce que ça va te rapporter? Qui va éduquer les enfants? Les femmes ou les familles qui déposent leurs enfants chez des nourrices, ce n'est pas la mère qui éduque ses enfants, c'est la nourrice. C'est elle qui passe 90% du temps avec les enfants. Elle leur apprend ce qu'elle veut. Et la nourrice ne donnera pas d'importance à tes enfants comme toi tu en donnes à tes enfants. Son but c'est d'avoir son salaire à la fin et de faire passer le temps à tes enfants par n'importe quel moyen. S'il faut leur faire écouter de la musique, elle leur fera écouter de la musique. S'il faut les poser devant la télé et devant un dessin animé pendant des heures et des heures, eh bien, n'hésitera pas à le faire. Or, la femme musulmane, non. Elle sait que c'est un dépôt, que c'est une amana qu'elle a entre ses mains et qu'elle a sous sa responsabilité. Et Allah subhanahu wa ta'ala la questionnera sur ses enfants. De même qu'il questionnera le père sur ses enfants. Le prophète alayhi salat wa salam a dit « Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyyatih » Vous êtes tous des bergers et vous serez tous questionnés sur votre troupeau. Et le prophète alayhi salat wa salam a dit « Wa rajulu ra'in fi ahli baytih » Et l'homme est berger et responsable des gens de sa famille. « Wal mar'atu ra'iyyatun » على بيت زوجها وولده. Et la femme est responsable de la maison de son mari et de ses enfants. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Vous êtes tous responsables et vous serez tous questionnés sur ce dépôt qui vous a été confié. Ce qui fait partie également de l'éducation des enfants, après avoir choisi la femme pieuse et vertueuse, c'est de faire la aqiqa de son enfant et de choisir pour son enfant les prénoms les plus beaux. Le prophète alayhi salat wa salam a dit « Kullu ghulamin rahinatum bi'aqiqatih » تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. La aqiqa. Vous allez me dire quel est le rapport entre la aqiqa et l'éducation des enfants. Eh bien, il y a un rapport. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit, chaque enfant est otage de sa aqiqa. Et la aqiqa, c'est la brebis que tu sacrifies. Deux pour un garçon et une pour une fille. Qu'est-ce que ça veut dire que l'enfant est l'otage de sa aqiqa? Autrement dit, que l'enfant est le dépôt de garantie de sa aqiqa. Quand on dit dépôt de garantie, par exemple, tu empruntes un objet à une personne et tu lui dis, je t'emprunte cette chose et je te donne en garantie 1000 euros. Ces 1000 euros sont l'otage du fait que tu restitues cette chose à cette personne. Ainsi, est-ce que tu peux faire de ces 1000 euros ce que tu veux? Non. Ils sont bloqués chez la personne. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'enfant est l'otage de sa aqiqa, c'est-à-dire qu'il ne sera libéré que lorsque tu auras sacrifié pour lui, si c'est un garçon, deux brebis, si c'est une fille, une brebis. Al-Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, a expliqué ce hadith en disant que l'explication de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'enfant est l'otage de sa aqiqa, c'est-à-dire que l'enfant ne pourra pas s'épanouir. Il ne pourra pas atteindre tout le bien qu'il désire, car il est l'otage de sa aqiqa. Ainsi, lorsque tu fais la aqiqa de ton fils, lorsque tu sacrifies une bête, eh bien, tu permets à ton fils d'accéder à tous les biens qui lui seront proposés. Or, si tu ne le fais pas, eh bien, il sera privé, non pas de tous les biens, mais il sera privé de certains biens. Et un sujet similaire est ce que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant d'avoir un rapport avec son épouse, de dire « Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytana ma razaqtana » Celui qui dit cette invocation, le diable ne n'atteindra jamais cet enfant. Et cela aussi fait partie de l'éducation de tes enfants. L'éducation de tes enfants également, c'est avant d'avoir un rapport intime avec ton épouse, de dire cette invocation que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car grâce à celle-ci, eh bien ton enfant sera protégé du diable. Ton enfant sera protégé du diable. Donc si tu fais cela, eh bien tu vas permettre à ton enfant de mieux se rapprocher d'Allah azza wa jalla et d'atteindre encore plus de bien. Et de donner à ton enfant les prénoms les plus beaux. De donner à ton enfant les prénoms les plus beaux. Et les meilleurs prénoms, les plus aimés chez Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Inna habba asma'ikum ilallah, abdullah wa abdurrahman » Les prénoms les plus aimés chez Allah sont Abdullah et Abdurrahman, le serviteur d'Allah et le serviteur du tout miséricordieux. Et les autres noms qui sont beaux également sont ceux qu'a donné lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu un fils qui l'a appelé. Comment il l'a appelé? Non? Ibrahim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un enfant qu'il appelait Ibrahim, alayhi salatu wa sallam. Il a dit, alayhi salatu wa sallam, wulida liya ghulam, wulida liya laylata ghulam, fasammaytuhu Ibrahim. Il m'a été accordé cette nuit un enfant que j'ai appelé Ibrahim. Et les savants ont déduit de ce hadith, entre autres, qu'il était autorisé de donner le prénom à son fils le jour même de sa naissance. Car la sunna la plus répandue est de donner un prénom à son enfant, si cela est possible, le septième jour. Mais il est aussi autorisé de donner un prénom à son enfant la nuit même de sa naissance. Parmi les prénoms également, Youssouf. Un compagnon appelé Youssouf ibn Abdillah ibn Sallam, radiyallahu anhu, a dit, et le hadith est rapporté par Al-Bukhari dans l'Adab al-Mufrad et authentifié par Sheikh Al-Albani, rahimahullah, « Ataytu aw sammani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Yusuf wa aq'adani ala hijrihi wa masaha ala ra'si. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a prénommé ou m'a nommé Yusuf. Et il m'a fait asseoir sur son giron et il a essuyé, il a passé sa main sur ma tête. Il y a des prénoms qu'a fortement déconseillé le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam parmi ses noms Aflah, wa Rabah, wa Yassar, wa Nafi'. Et le hadith est rapporté par Muslim dans son Sahih. Ce qui fait partie également de l'éducation des enfants, c'est de nourrir tes enfants par le halal, de subvenir aux besoins de tes enfants à travers de l'argent licite et non illicite. Et sache que l'argent que tu dépenses pour ta famille est le plus aimé chez Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha ajra alladhi anfaqtahu ala ahlik. » Wal hadithu rawahu muslimun fi sahihih. Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un dinar que tu donnes dans le sentier d'Allah, et un dinar que tu donnes pour affranchir un esclave, et un dinar que tu donnes en guise d'aumône vis-à-vis d'un pauvre, et un dinar que tu dépenses pour ta famille, celui qui a le plus de récompense auprès d'Allah, c'est celui que tu as dépensé pour ta famille. C'est celui que tu as dépensé pour ta famille. Pour cela que, lorsque tu dois sortir de la zakat, eh bien, la personne qui mérite le plus la zakat, c'est le pauvre qui fait partie de ta famille. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « فَهِيَ صَدَقَةٌ وَصِلَهُ » C'est à la fois une aumône, parce que tu as aidé un pauvre, mais c'est également un moyen qui permet de nouer les liens de parenté. Qui permet de nouer les liens de parenté. Ainsi, le père de famille doit s'éloigner de l'argent haram comme il s'éloigne des bêtes féroces. Il doit s'éloigner de l'usure. Il doit s'éloigner de la tricherie. Il doit s'éloigner du vol. Il doit s'éloigner de la tromperie. Il doit s'éloigner de l'usurpation et de tous les moyens qu'a interdit Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il se rappelle la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Kullu lahmin nabata min as-suht, fannaru awla bih. » Toute viande, autrement dit toute chair, qui grandit à travers de l'argent illicite, eh bien, là, l'enfer sera sa meilleure destination, wal'ayadu billah. Car, lorsque tu t'appropries de l'argent de façon illicite, tout d'abord Allah subhanahu wa ta'ala n'y met pas de baraka. Et Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que tu veuilles encore plus et demander à toutes ces personnes qui se sont appropriées de l'argent de façon illicite. Demandez-leur s'ils sont tranquilles. Demandez-leur s'ils profitent réellement de leur argent. Vous les verrez dans les problèmes. Vous les verrez tout le temps soucieux. Et vous verrez qu'en réalité, ils n'ont pas profité de leur argent. Que ce soit ceux qui font des crédits à la banque, vous verrez que le jour où ils perdent leur travail, eh bien, ils se retrouvent dans des difficultés ou au point même qu'ils ne trouvent même pas de quoi nourrir leurs enfants. Combien sont venus à moi me dire « Wallah, akhi, j'ai un crédit à la banque, j'ai plus de revenus et la banque me prend quand même ce que je lui dois par mois et je n'ai même pas de quoi acheter à manger à mes enfants. » Et ils me demandent de les prêter 10 euros ou 20 euros pour qu'ils puissent acheter du pain, acheter du lait pour donner à manger à ses enfants. La banque ne sera en aucun cas miséricordieux envers toi. La banque ne connaît que son bénéfice. Elle ne connaît que son argent qu'elle t'a prêté, que tu aies des revenus ou que tu n'en aies pas. Vous savez que vous voyez les non-musulmans, lorsque leur poste est menacé, vous les voyez dans tous leurs états. Oh là là, si jamais je ne travaille plus, mais comment je vais faire pour payer mon crédit de la maison, de la voiture, de la machine à laver, d'un tel et d'un tel. Tout ce qu'il a autour de lui, ça ne lui appartient pas, subhanallah. Un musulman, il n'est pas comme ça. Un musulman, il vit selon ses capacités. Tu as l'argent pour louer un appartement? Eh bien, loue un appartement, akhi. Pourquoi est-ce que tu veux une maison? Tes moyens te permettent de t'acheter une voiture modeste? Eh bien, achète-toi une voiture modeste. Pourquoi, en ayant 1200 euros de salaire par mois, tu veux t'acheter la dernière Mercedes? Et t'endetter pour cela, subhanallah. Un musulman, il vit selon ses possibilités, selon ses capacités. S'il travaille, alhamdulillah, s'il ne travaille pas, il demande à Allah azzawajal de l'aider dans sa tâche. Mais en aucun cas, le musulman, il est troublé parce que du jour au lendemain, il ne travaille plus. Non, le musulman, il s'en remet à Allah, subhanahu wa ta'ala, et il fait les causes. Et il fait les causes. Donc vous verrez que toutes ces personnes qui se sont appropriées de l'argent de façon illicite n'en profitent pas. Que ce soit les trafiquants de drogue, que ce soit ceux qui vendent de l'alcool, etc., etc., vous ne verrez qu'ils ne sont que dans les problèmes et que l'argent qu'ils perdent est parfois en plus grande quantité que l'argent qu'ils ont perçu. Des personnes qui viennent vers moi me disant que il a perdu la semaine dernière 300 000 euros. Subhanallah, comment t'as fait pour perdre 300 000 euros? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la baraka. Ils ont de l'argent illicite de façon facile. Du coup, ils en veulent toujours plus. Ils en veulent toujours plus et ils sont à chaque fois dans le haram et ils sont à chaque fois dans les problèmes. Et vous savez tous comment ça se finit. Au final, soit il y a des règlements de compte, soit on retrouve qu'il est enterré dans telle forêt, qu'on a creusé un trou et qu'on lui a mis une balle dans la tête, soit, des problèmes sans fin. Ou il se retrouve en prison, il est marié à des enfants, et ses enfants se retrouvent sans revenu du jour au lendemain. Parce qu'en prison, il n'y a pas le chômage. Quand tu vas en prison que tu as une famille, eh bien, ils n'ont pas de revenus. Donc le musulman doit se contenter du halal. Travaille, akhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de prendre du bois, de le porter sur ton dos, d'aller le vendre est meilleur que de tendre sa main et de demander de l'argent aux gens. Si certains veulent te donner, ils te donnent, et s'ils ne te donnent pas, ils ne te donnent pas. Non. Le musulman a sa izza. Walillahi al-izzatu, wali rasulihi, wali al-mu'minin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-yadul ulia khayrun min al-yadi al-soufla. La main haute est meilleure que la main basse. Et la main haute, c'est celle qui donne. Le musulman travaille de lui-même. Il ne tend pas sa main aux gens. Il ne demande pas aux gens, sauf dans des cas d'extrême urgence. Non, le musulman, il a sa fierté. Le musulman, il a sa rujoula. Il a son... Comment on pourrait traduire rujoula? Sa virilité. Sa virilité. Le musulman, il a sa virilité. Il travaille de lui-même. Et il éduque ses enfants de son argent, du travail de ses mains, comme était le cas des prophètes, Daoud alayhi salam. « وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ » Et nous avons enseigné à Daoud la fabrication des cottes de mailles. Il fabriquait des cottes de mailles qui permettent de se protéger pendant la guerre. C'était le travail de Daoud alayhi salam. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient des champs, ils cultivaient, ils travaillaient du travail de leurs mains, de la sueur de leur front. C'est dans cet argent-là qu'il y a la baraka. Et c'est dans cet argent-là qu'Allah Azza wa Jal va faire en sorte que tes enfants soient éduqués et qu'ils ressortent vertueux et qu'ils ressortent des musulmans comme il se doit. Également, ce qui permet d'accorder à tes enfants une éducation religieuse comme il se doit, c'est d'être doux avec eux, d'être gentil avec tes enfants, de t'amuser avec eux comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doux envers les enfants. Il éprouvait de la miséricorde vis-à-vis d'eux. Et en aucun cas le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dur envers eux. Le prophète alayhi sallam, une fois, le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع ابن حابس التميمي فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من لا يرحم لا يرحم من لا يرحم لا يرحم. وفي حديث قتادة الأنصاري أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وقال الحافظ ابن حجر لتعليق أو تعليقا على هذا الحديث وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم وشفقته على الأطفال وإكرامه لهم. Prophète صلى الله عليه وسلم, comme le rapporte Abu Huraira رضي الله عنه, a embrassé Al-Hassan ibn Ali, son petit-fils Al-Hassan, le fils de Ali رضي الله عنهما, et était présent lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم a embrassé Al-Hassan, Al-Aqra ibn Habis al-Tamimi. Et Al-Aqra a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai 10 enfants et je n'ai jamais embrassé l'un d'eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a regardé et lui a dit, celui qui n'est pas miséricordieux ne bénéficiera pas de la miséricorde. Celui qui n'est pas miséricordieux envers les enfants, eh bien, il ne bénéficiera pas de la totale miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith de Qatadat, Abi Qatadat al-Ansari, radiyallahu anhu, il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, priait en prenant dans ses bras Umamah, la fille de Zaynab, la fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, priait en prenant sa petite fille Umamah. Et lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se prosternait, il la posait à même le sol, et lorsqu'il se levait, il la reprenait. C'était qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam des musulmans. Si un imam faisait ça de nos jours, combien d'heures on lui donnerait encore à vivre? 2 heures, 1 heure, quelques minutes? Cela prouve l'amour qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les enfants et la tendresse qu'il avait vis-à-vis d'eux sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait la khutbah de Jumu'ah une fois alayhi salatu wa sallam et il a vu Al-Hassan ou Al-Hussein qui marchait fragilement et qui avait une belle robe, qui avait mis une belle tunique. Et il le voyait marcher entre les rangs de façon déstabilisée, il allait presque tomber, puis se relever, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam du minbar est descendu. Il a pris son petit-fils, il l'a embrassé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à ses compagnons en leur disant, je n'ai pu résister. En le voyant marcher de façon fragile, je n'ai pu résister et je suis descendu pour le prendre. Puis il a lu la parole d'Allah azza wa jal, innama amwalukum wa awladukum fitnah. Vos biens et vos enfants sont une tentation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam saluait les enfants. Et cela montre la modestie du prophète alayhi salatu wa sallam. C'était le gouverneur des musulmans, c'était l'élu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il passait à proximité d'enfants, eh bien, il les saluait sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi salam jouait, plaisantait aussi avec les enfants. Il a dit au frère de Anas ibn Malik, lorsque son oiseau est mort, « Ya Umayr, ma fa'alan nughayr »« Ô Umayr, qu'est-ce qu'a fait l'oisillon ?»« Qu'est-ce qu'a fait l'oisillon ?» Et les savants, dans ce hadith qui est extrêmement court, ont déduit plus de 70 bénéfices et 70 morales à retenir de ce hadith que vous pouvez retrouver dans un audio que j'ai fait sur les morales à retenir du hadith de « Ô Abu Umayr, qu'a fait l'oisillon et j'ai entre autres traduit un petit livret d'un savant qui a justement dénombré plus de 70 morales à retenir de ce hadith. Et parmi les choses que l'on retient de ce hadith, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'amusait avec les enfants, qu'il plaisantait avec eux en ne disant que la vérité, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait après eux également. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait cet enfant jouer avec un oiseau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu dans le visage de cet oiseau, de cet enfant, Umayr, que quelque chose n'allait pas. Et il a demandé à son frère Anas, qu'a-t-il ? Et il lui a répondu que l'oiseau était mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit, « Ô Abu Umayr, mais qu'a fait l'oisillon ?» Ce qui permet aussi d'accorder à ses enfants une bonne éducation, c'est de les éduquer dans l'hygiène, de leur apprendre l'hygiène de leur corps, l'hygiène de leurs vêtements, car l'hygiène a son importance dans la santé. Or, un enfant que tu veux éduquer convenablement, il faut que ce soit un enfant qui soit dans les conditions adéquates pour être éduqué et qui ait aussi une santé bonne. Ainsi, le musulman doit éduquer son enfant à être propre, à être hygiénique. Et une parole que l'on entend beaucoup des gens, « An-nazafatu min al-iman ». La propreté ou l'hygiène fait partie de la foi. C'est une parole qui est vraie, mais ce n'est pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Le hadith à ce sujet est faible, et très faible même. Et l'hygiène également, c'est l'hygiène dans le fait de manger. D'éduquer tes enfants pour qu'ils mangent à une heure précise et pour qu'ils mangent la quantité de nourriture qui leur est suffisante. De ne pas laisser ton enfant manger n'importe quoi à n'importe quelle heure ou de laisser ton enfant manger ce que mange un adulte. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma mala'a adamiyun wi'a'an sharra min batnih » Le fils d'Adam n'a jamais rempli un réservoir pire que son ventre. Le pire réservoir que tu peux remplir, c'est ton estomac. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Bihasb ibn Adam akalatun yuqimna sulbah » Que le fils d'Adam se contente de quelques bouchées, qui vont faire en sorte qu'il soit, qu'il tienne debout et qu'il soit en bonne santé et en condition physique normale. فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَ Et si alors il n'a d'autre solution, alors qu'il consacre un tiers à sa nourriture, un tiers à sa boisson et un tiers à sa respiration. Voilà comme le disait Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullahu ta'ala, si les musulmans appliquaient ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y aurait très peu de maladies. Car la plupart des maladies qui sont présentes à notre époque, que ce soit les maladies cardiovasculaires, ou que ce soit le diabète, ou que ce soit les autres maladies qu'Allah Azzawajal nous en préserve, vous verrez que la plupart de ces maladies ont pour origine une mauvaise hygiène alimentaire. De manger soit des choses trop grasses, soit des choses trop sucrées, ou soit de manger tout simplement en grande quantité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité parmi les signes de la fin du temps, « وَيَظْهَرْ فِيهِمُ السِّمَنِ » Et l'obésité apparaîtra chez eux. Parmi les signes de la fin du temps, c'est l'apparition de l'obésité, que les gens soient bien remplis. Cela fait partie des signes de la fin du temps. Et Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, dit que le musulman qui applique ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaîtra pas de maladie, sauf si Allah azzawajal en décide autrement. Et malheureusement, comme le dit Cheikh Al-Uthaymin, il dit, il m'a été rapporté que ce sont les non-musulmans qui font attention à leur hygiène alimentaire. Et ça, c'est vrai ou pas, les frères? Les Français, ne font-ils pas attention à ce qu'ils mangent? Ils mangent des assiettes, pour nous, c'est même pas l'apéritif. C'est même pas l'apéritif. Une assiette, quelques haricots, un morceau de viande, 100 grammes de pain, et ça suffit. Il a mangé son déjeuner. Ou il a mangé son dîner. Mais nous, non. Nous, il faut la salade, il faut les poulets, il faut le riz, il faut ci, il faut ça. Une assiette pour 20 personnes, elle suffit à 3. Pourquoi laissons-nous cela aux non-musulmans qui font attention à ce qu'ils mangent, qui font attention à leur corps, à leur santé, et nous, non? Alors que c'est ce que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit que le pire des réservoirs que tu peux remplir, c'est ton ventre. Ainsi, le musulman doit manger ce qui lui suffit à ne pas avoir faim. Un musulman doit rarement manger à sa faim. Un musulman doit rarement manger à sa faim. Le but de manger, c'est de couper la faim, ce n'est pas d'être rassasié. D'être toujours rassasié n'est pas bon pour la santé. Et cela a des conséquences néfastes. Le fait de dîner en mangeant beaucoup, qu'est-ce que cela va entraîner? Cela va entraîner que tu vas te sentir lourd. Cela va entraîner que tu vas vouloir dormir. Cela va entraîner que tu vas avoir du mal à te lever pour la prière du Fajr. Et l'imam Ibn Al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre Zadul Ma'ad, cite, parmi les moyens qui t'aident à te lever facilement au Fajr, c'est de manger peu, de manger léger. Mange léger le soir, et tu verras, bi'idhnillah, en te couchant tôt, et en faisant tes invocations, que tu te réveilleras en pleine forme pour le Fajr. Mais si tu remplis ton ventre, et que tu as besoin de 2 personnes pour te soulever, et pour te jeter dans ton lit, et akhi, c'est normal que tu auras très peu de chances de te lever pour cette obligation. Et vous savez tous la règle en islam, ma la yatimu al-wajib illa bihi fahuwa wajib. Si une chose obligatoire, pour la faire, tu es obligé de passer par une autre chose, eh bien, cette chose devient obligatoire. Par exemple, une personne qui a un corps ou a une anatomie de telle sorte que s'il mange beaucoup, il ne peut pas se lever le matin. Se lever le matin pour la prière du Fajr, c'est une obligation, oui ou non? Oui. Pour se lever au Fajr, cette personne ne doit pas manger beaucoup. De ne pas manger beaucoup, est-ce que c'est obligatoire ou préférable? Préférable. Eh bien, pour lui, c'est obligatoire. Parce que c'est le seul moyen qui lui est possible pour pouvoir se lever à la prière du Fajr. Les savants disent que une obligation qui ne peut être faite qu'à travers une autre chose, et bien cette même chose est obligatoire, même si à la base elle est préférable. Parmi les moyens qui permettent d'éduquer ses enfants, bien sûr, c'est l'allaitement, d'allaiter ses enfants. C'est une chose que malheureusement, de plus en plus de femmes délaissent, en imitant dans cela les femmes non musulmanes. Les femmes non musulmanes, la plupart maintenant, vu qu'elles travaillent, vu que cela, eh bien, fait en sorte qu'elles n'allaitent plus leurs enfants, ou c'est douloureux, ou que cela déforme leur anatomie, etc., eh bien, elles ne préfèrent pas allaiter. Elles préfèrent lui donner le lait chimique. Non, une musulmane doit, ce n'est pas une obligation, mais doit faire en sorte d'allaiter son enfant le plus possible. Et elle doit patienter dans cela, car dans le fait d'allaiter ton enfant, eh bien cela ne peut être que profitable pour lui dans tous les sens du terme. Et bien sûr, ce qui va permettre de donner à ton enfant une éducation religieuse, c'est bien sûr de leur enseigner l'islam, de leur procurer un enseignement religieux, de leur procurer un enseignement religieux. Et la première parole, ou les premières paroles que doivent prononcer tes enfants, chers musulmans et chères musulmanes, c'est l'attestation qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé. هذا أول ما ينطق به الولد الذي ربي تربية إسلامية أن يكون أول كلامه لا إله إلا الله. Ainsi tu dois éduquer ton enfant, cher musulman et chère musulmane. Lorsqu'il commence à parler, au lieu de lui apprendre des comptines, au lieu de lui apprendre au clair de la lune ou je ne sais quoi d'autre, apprends-lui la ilaha illallah. Apprends-lui qu'il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée qu'Allah. Montre-lui qu'il a un Seigneur, subhanahu wa ta'ala, qu'il a créé et qu'il doit adorer. Apprends-lui et enseigne-lui qu'il a un prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il doit suivre. Ce qu'il faut aussi enseigner à ses enfants, c'est bien sûr le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, de leur enseigner le Coran. Certains vont dire, oui, mais les enfants leur apprennent le Coran dès qu'ils sont tout petits, il faut attendre. Taïb akhi, pourquoi est-ce que tu lui apprends des chansons? Pourquoi est-ce que tu lui apprends des anachid à ton enfant qui a 2 ans? Parce que c'est plus assimilable, les enfants ils ont l'habitude des chansons. Les enfants ils ont l'habitude, quels enfants qui ont l'habitude d'apprendre les chansons? Ou les anachid. Quelle est la meilleure parole? N'est-ce pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Oui ou non? Ce sont donc les meilleures paroles que tu puisses apprendre à ton enfant. Apprends-lui le Fatiha. Apprends-lui le Mu'awidatayn. Fais-lui, inculque en lui l'amour du Coran. Enseigne-lui que le Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il doit l'apprendre. Et qu'Inch'Allah il faut qu'il l'apprenne entièrement. Car il n'y a pas une parole plus véridique que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui juge par la parole d'Allah ne jugera qu'avec justice. Et celui qui se cramponne au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne connaîtra jamais l'égarement. Ensuite, parmi les enseignements à donner à ton fils, c'est bien sûr de lui apprendre la prière. De lui apprendre la prière dès le plus jeune âge, en habituant ton enfant à prier avec toi, même s'il n'a pas 7 ans. Il faut commencer à leur ordonner la prière à l'âge de 7 ans. Ça ne veut pas dire que de 0 à 7 ans, il n'a jamais entendu parler de la prière. Ou de 0 à 7 ans, il n'est jamais rentré dans une mosquée. Non, cela veut dire qu'à 7 ans, tu vas commencer à lui ordonner de faire la prière. Mais, tout avant, il y a un travail à faire. Si ton enfant te voit prier un nawafil chez toi, si, lorsque la femme se lève pour prier chez elle, elle dit à son enfant de venir se mettre à côté d'elle pour prier, eh bien, c'est une éducation. Tu éduques ton enfant à faire sa prière. Tu vas inculquer ça en lui. Et quand il aura 7 ans, ce sera inné en lui, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'auras même pas besoin de lui dire, il la fera de son propre chef, car durant toutes les années précédentes, tu l'as éduqué à cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Mouru abna'akum bis salat les sab'a, wadribuhum alayha li'ashr. » ordonné à vos enfants d'accomplir la prière à l'âge de 7 ans. Et frappez-les lorsqu'ils la délaissent à l'âge de 10 ans. Et bien sûr, les frapper, ce n'est pas les bastonner, ce n'est pas les battre, mais c'est les tapoter pour faire influence sur eux ou pour, comment dire, pour les effrayer, pour montrer que le parent a l'autorité sur lui. Et le musulman, ou le parent, doit éviter le plus possible de frapper son enfant. Il doit éviter le plus possible de frapper son enfant, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas ainsi. Il enseignait et il éduquait par les paroles et par les bons conseils. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu un enfant manger dans un plat et prendre des quatre coins de ce plat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Oh enfant, dis bismillah et mange de ta main droite et mange devant toi. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma et lui a dit « Ya ghulam, inni u'alimuka kalimat, ihfadillaha yahfadk, ihfadillaha tajidhu tujahak. » Oh enfant, je vais t'enseigner des paroles. Préserve Allah, il te préservera. Préserve Allah, c'est-à-dire préserve les limites d'Allah. C'est-à-dire préserve, c'est-à-dire mets en application ses ordres et délaisse ses interdits et Allah Azza wa Jal te protégera. Protège Allah et tu le trouveras devant toi lorsque tu demandes, demande à Allah. Et c'est aussi une des choses primordiales à apprendre à l'enfant, c'est l'unicité d'Allah Azza wa Jal. De lui apprendre qu'il ne doit adorer qu'Allah et Allah seul et de le mettre en garde contre le shirk. Ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun azim. Luqman le sage, premier conseil qu'il a adressé à son fils. Ô mon fils, n'associe rien à Allah, car d'associer à Allah est la pire des injustices. Lorsque tu demandes, demande à Allah, et lorsque tu demandes l'aide, demande-la à Allah. Et sache que si l'ensemble de la communauté se réunissait pour t'apporter un bien, elle ne t'apporterait que le bien qu'Allah t'aura écrit. Et s'ils se réunissaient pour t'apporter un mal, sache qu'ils ne t'apporteront que le mal qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a écrit. D'enseigner également à ses enfants un métier. Après leur avoir enseigné les bases de la religion, après avoir enseigné à tes enfants la religion, après lui avoir appris l'attestation qu'il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adoré qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé, après lui avoir enseigné la prière, la zakat, après lui avoir enseigné comment manger, comment boire, ce qu'il faut dire avant de dormir en se réveillant, ce qu'il faut dire lorsque l'on entre à la mosquée, lorsqu'on sort de celle-ci, ce qu'il faut dire lorsque l'on entre à la maison, lorsqu'on sort de celle-ci, ce qu'il faut dire dans telle et telle situation, après avoir enseigné de façon générale la religion à ton fils, à ton enfant, à ta fille, eh bien, pour ton fils, il faut aussi que tu l'aides à avoir un métier qui lui permettra de subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille. Et on a vu précédemment que de travailler de ses propres mains était le meilleur bien que puisse faire ou que puisse consommer la personne. Comme l'a dit le prophète sallam, ma akala ahadun ta'aman qattun khayran min an ya'kula min amali yadihi. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari où le prophète sallam a dit, une personne n'a pas mangé une nourriture meilleure que la nourriture qu'il a achetée du travail de ses mains. Du travail de ses mains. Et de leur inculquer, bien sûr, les comportements que nous a enseigné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que j'ai précédemment cité. Une chose extrêmement importante dans l'éducation des enfants, c'est la justice entre eux. D'être juste entre tes enfants. L'islam est une religion de justice. Et elle appelle à la justice en général entre les gens. Mais l'islam appelle aussi à être juste entre les enfants. Allah Azza wa Jalla dit, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah ordonne la justice et la bienfaisance. Et An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma était sur le minbar. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari Muslim. Et il a dit, An-Nu'man ibn Bashir a dit, mon père m'a donné un cadeau. Amra bint Rawaha, une des femmes de Bashir, qui était le père de Nu'man, a dit, je ne suis pas d'accord avec ce cadeau jusqu'à ce que tu prennes comme témoin le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bashir, radiyallahu anhu, est parti vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله فقال أعطيت سائر ولدك مثل هذا قال لا قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم قال فرجع فرد عطيته. بشير est parti vers le prophète صلى الله عليه وسلم et a dit, j'ai donné un cadeau à mon fils que j'ai eu de ma femme Amra bint Rawaha. Mais elle m'a ordonné de te prendre comme témoin dans cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu as donné la même chose à tes autres enfants? Il a dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, craignez Allah et soyez juste avec vos enfants. Craignez Allah et soyez juste avec vos enfants. Et dans une version de Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que tu as donné à tous tes enfants le même cadeau? Il a répondu non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, rends-le, reprends-le. Dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Bashir, ya Bashir, alaka waladun siwa hada, as-tu en outre un autre enfant à part An-Nu'man? Il a dit, oui, j'ai d'autres enfants. Le professeur Hassan lui a dit, leur as-tu donné la même chose que tu lui as donné? Il a répondu, non. Le professeur Hassan a alors dit, فَلَا تُشْهِدْنِي إِذَنْ لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرِ. Ne me prends donc pas comme témoin, car je ne suis pas témoin d'une injustice. Car je ne suis pas témoin d'une injustice. Et le professeur Hassan lui a dit dans une autre version de Sahih Muslim, as-tu donné à tes autres enfants ce que tu as donné à Nu'man? Il a répondu non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit, prends autre que moi comme témoin. Prends un autre témoin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ayasurruka an yakunu ilayka fil birri sawa, veux-tu qu'il soit bienfaisant envers toi de la même façon? Il a dit, bien sûr, envoyé d'Allah. Il a dit, alors, tu sais ce qu'il te reste à faire. Le père de famille qui a plusieurs enfants, ne veut-il pas que tous ses enfants soient bienfaisants envers lui? La réponse est oui. Dans ce cas-là, qu'il soit juste dans ce qu'il leur offre. Et les savants disent que le père doit être juste envers ses enfants dans tout. Que ce soit dans le bisou, que ce soit dans le compliment, que ce soit dans le cadeau, que ce soit dans les vêtements, dans toute chose, tu dois être juste envers tes enfants. Car si un enfant remarque que tu privilégies un autre de ses frères ou de ses sœurs vis-à-vis de lui, eh bien cela va créer la zizanie entre eux. Cela va créer des tensions entre eux. Cela va créer un désordre dans la famille. Et qui en sera la cause? Toi, cher père, ou toi, chère mère. Et je terminerai par cela, de choisir le bon compagnon pour son enfant. Et d'éduquer son enfant à choisir un bon ami. Et de ne pas hésiter à aller voir cet ami. Et de voir si, effectivement, il est bien ou non. Il faut que tu saches, chers frères et sœurs, avec qui ton fils traîne, qui il côtoie. Est-ce que ce sont des personnes pieuses? Est-ce que ce sont des personnes qui vont rappeler à ton enfant Allah et son envoyé? Ou est-ce que ce sont des enfants qui vont leur enseigner les mauvaises choses, qui vont leur enseigner les mauvais mœurs qui vont leur enseigner à boire, à fumer, à fréquenter les filles, à voler, etc., etc. Tu dois être extrêmement vigilant à cela et enseigne à ton fils qu'il doit choisir des bons amis. Et enseigne-lui la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-mar'u ala dini khalilih. Falyanzur ahadukum man yukhalil. La personne a la même religion que son ami. Que l'un d'entre vous regarde donc qui il prend comme ami. Ton enfant doit avoir cela à l'esprit et il doit choisir l'enfant qui sera son ami, qui l'aidera à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et enseigne-lui également la parole d'Allah Azza wa Jal. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. Et enseigne-lui la parole d'Allah Azza wa Jal. Et je terminerai par ceci. Le jour où l'injuste mordra ses deux mains en disant, oh si seulement j'avais suivi un chemin avec le messager, oh si seulement je n'avais pas pris un tel comme ami, il m'a égaré du rappel après que celui-ci me soit venu, et le diable délaisse après avoir tenté. Ainsi le diable, il te tente à faire la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, puis lorsque tu es en plein dedans, il te laisse. Il te laisse et il fera la même chose le jour du jugement, lorsqu'Allah Azza wa Jal réunira les gens de l'enfer et le diable s'adressera à eux en leur disant qu'il ne leur sera d'aucun secours, comme eux ne seront pour le diable d'aucun secours. Et il leur dira que lui, la seule chose qu'il a fait, c'est de les appeler et que ce sont eux qui l'ont suivi et que ce sont eux qui l'ont écouté. Et que maintenant, eh bien, ils n'ont que leurs larmes pour pleurer et ils n'ont que leur voix pour crier et pour exprimer leur douleur et subir le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Asallu Allah azza wa jal an yufaqihana fi dinina wa an yuallimana ma jahilna wa an يجعلنا من الذين يربون أولادهم التربية الإسلامية النقية الصحيحة إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.